Yes. si scieco su benedicta flama visibile, le reconnaissez-vous dans cet état horrible? Hercule est abattu, Come, let me dance a song. fliehen.